Amin Main, bonjour, voici la dernière partie de la nouvelle série d'articles, sur le thème, et si les robots étaient pourvus de libre arbitre, peut-on fabriquer des robots bienveillants? L'éthique dans des environnements complexes n'est pas chose simple. Pour cela, des robots à usage militaire sont déjà en cours de test à l'Institut Georgia Tech à Atlanta, États-Unis, ou dans le département de recherche navale de la marine des États-Unis. Lire notre article. Ronald Arkin, chercheur en informatique, et plaidant pour une utilisation raisonnée des robots tueurs, construit des algorithmes pour des robots qui surnomment gouverneurs éthiques, qui les aident à prendre les bonnes décisions en situation de combat. Il a déjà testé des drones dans une simulation de combat, où les aéronefs pouvaient décider de tirer ou pas sur une cible tout essayant de minimiser les pertes humaines dans une zone protégée à éviter, hôpital, école. Selon Arkin, programmer des robots à respecter des lois militaires établies depuis des centaines d'années est une chose facile, car ces lois de guerre sont codées et connues de tous. À l'inverse, l'homme influencé par ses émotions pourra plus facilement briser ses lois. Avec l'expérience de l'équipe anglaise, la recherche en est au balbutiement de la programmation d'un comportement éthique chez les robots, dans un environnement complexe. Arkin finit en disant que si les constructeurs arrivent à les faire fonctionner dans des environnements où l'imprévisible peut arriver, alors un vaste champ d'application s'ouvrira devant les robots. L'équipe du professeur Alan Winfield a présenté son travail lors de la conférence Towards Autonomous Robotic Systems qui s'est tenue le 2 septembre à Birmingham, Royaume-Uni. Fin de la série Amin Main, à bientôt et n'ayez pas peur, nous sommes vos amis.